L'homepage d'internet néo-zélandais Scoop a condamné le 29 juillet l'acte inhumain des autorités sud-coréennes qui ont enlevé collectivement les citoyennes de la République populaire démocratique de Corée.